Psaume 143. Psaume de David. Éternel, écoute ma requête, prête l'oreille à mes supplications, suivant ta fidélité, réponds-moi à cause de ta justice. Et n'entre point en jugement avec ton serviteur, car nul homme vivant ne sera justifié devant toi. Car l'ennemi poursuit mon âme, il a foulé ma vie par terre, il m'a mis au lieu ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Et mon esprit se pâme en moi, mon cœur est désolé au-dedans de moi. Il me souvient des jours anciens, je médite tous tes faits, et je discours des œuvres de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme s'adresse à toi comme une terre altérée, c'est là. Ô Éternel, à toi, réponds-moi, l'esprit me défaut, ne cache point ta face arrière de moi, tellement que je devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi ouïr dès le matin ta miséricorde, car je me suis assuré en toi, fais-moi connaître le chemin par lequel j'ai à marcher, car j'ai élevé mon cœur vers toi. Éternel, délivre-moi de mes ennemis, car je me suis réfugié chez toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise comme par un pays uni. Éternel, rends-moi la vie pour l'amour de ton nom, retire mon âme de la détresse, à cause de ta justice. Et selon la bonté que tu as pour moi, retranche mes ennemis, et détruis tous ceux qui tiennent mon âme serrée, parce que je suis ton serviteur.